doit savoir parler aux hommes et se maquiller beaucoup mieux que moi. Elle sait prendre ce que tu donnes sans même avoir l'air d'être là, sans même avoir l'air d'être là. Je l'imagine auprès de toi comme je l'étais. Je devine qu'elle doit avoir toutes les qualités. Elle doit aimer un homme comme toi. C'est facile. Qu'a-t-elle de plus que toutes les autres filles? Comment est-elle, celle qui vient me voler l'amour chez moi? Comment est-elle, celle qui veut aujourd'hui un enfant de toi? Comment celle que tu promènes partout en ville? Comment est-elle? Comment est-ce possible? Tu t'en vas, y a rien à comprendre. Mais prends ce parapluie, fais-moi plaisir. Au bas de l'escalier, elle doit t'attendre, tandis que je te perds là, sans rien dire. Que je te perds là, sans rien dire. Écoute-moi, puisque je suis encore ta femme. Souris pour elle, qu'elle ne devine pas tes larmes. Laisse-moi, tu sais je ne suis pas si fragile. Pardonne-moi ces questions inutiles. Que tu